fou. Vous êtes dans la zone 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui est Assemblage requis. Justine Renaud sera là pour nous faire tourner de la musique avec Justine au platine. David Ferron viendra, mais pas en studio, humecter notre orifice auditif avec sa chronique La langue dans ton oreille et sans vouloir mettre la barre trop haute, une annonce spéciale dans la dernière demi-heure. Assemblage requis, tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 19 décembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Jean-Philippe Charbonneau est en congé aujourd'hui encore. Il va être de retour seulement en janvier parce que nous, c'est la dernière émission officiellement en direct d'Assemblage requis pour l'année 2013. Tout seul en cette émission. Un peu comme pas mal tout le long de la session. Je l'ai été une fois de temps en temps seul. On s'habitue, ça. Aujourd'hui, au programme, plus tard, on va avoir David Ferron qui va nous présenter La langue dans ton oreille. Mais à distance, je vais lire le texte à sa place en essayant de pas trop l'insulter. De faire mon gros possible. Ça, ce sera, comme d'habitude, à 8h. On a aussi autour de ça les instructions d'assemblage. On va faire son foutu palmarès aussi. Une annonce spéciale en dernière demi-heure en compagnie de quelques personnes. On va annoncer ce qui s'en vient pour le mois de janvier à Assemblage requis. Mais on va débuter avec Justine Renaud qui est avec moi. Oui, bonjour. Bonjour, Justine. Ça va bien? Oui. Tout à l'heure, tu as dit le mot orifice et je trouvais que ça sonnait absolument de bon goût sortant de ta bouche. C'est vrai, hein? Mais c'est tellement dit avec classe. Hein? Oui. Que veux-tu? Orifice. Merci. Donc, Justine au platine, ça vient tantôt. Tu vas nous présenter de la musique de quel genre? De saveur un peu pain d'épices, un peu de neige et avec un peu de magie. Wow! De Noël. C'est, ça a l'air tentant. Mais ça va être super de fun comme musique de Noël. Là, je vous jure, c'est pas des artistes qui essayent de se recycler dans le Noël après 3 albums flop que le producteur dit « Je suis en train de vendre ma femme, là, fais un bon disque. » Bon. Ben, j'ai hâte d'abord. Oui, moi aussi j'ai hâte. Si ça avait été d'autres affaires, j'aurais eu hâte pour d'autres raisons. Out à ce que ce soit l'été puis qu'on arrête de pelleter? Oui! Tiens, voici Je pars au combat de Guillaume Arsenault. Oh, comme, c'est bon. Je pars au combat. Comme si tu battais avec la neige, c'est ça. Pelleter. Aucun lien, j'essaie. Ouais, comment? C'est un coup de poing. Vivre ne suffit pas. Je pars au combat.

Bon matin, Mathieu. Hey, salut, Justine. It's going well, you, and yes, fine, I am too, Toaster. You're welcome. Donc, Justine, au platine, où tu nous présentes la musique qui a un petit peu bâti ta vie, là. Ah oui, qui a bâti ma vie. Mon ouais. Dieu, il ne faut pas que je vous dise qu'aujourd'hui, je vais parler de Charlie Brown. Là, parce ça n'a pas bâti ta vie, ça? Ben oui, là. Mais surtout, un épisode. Wow. Excuse-moi. Je t'en aurais voulu pour le reste de la vie. Oui. Ça a été l'exemple que j'aurais mentionné à tout le monde pour dire « Justine, c'est pas parlé ». Justine, ouais, c'est bien pas des affaires dans la vie. En tout cas, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est la chronique dans laquelle je présente un album par semaine, un album qui m'a vraiment pas juste une chanson, pas juste un artiste, là, un album. Oui. Parce que dans l'ancien temps, décédé, c'était décédé. Là, t'achetais pas les tunes au compte-gouttes. Là. Maintenant, décédé, c'est décédé. Sur iGoutte, en tout cas. Fait que c'est ça. Donc, la semaine dernière, je vous avais présenté Jean Leloup et les semaines d'avant, Jean-Pierre Ferland, Odeur de Cranberries, La Salle de Soleil, etc., etc. C'était vraiment un beau groupe, ça, etc., etc. Mais c'est le meilleur. Et mais cette semaine, dans le thème de Noël, je vous jure, je vous casserai pas les oreilles avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, des espèces de d'artistes déchus. Ben c'est ça, moi, parce j'ai que fait vous seriez déchus. C'est bon. J'ai fait la promesse, moi, que de la musique de Noël, on mettait pas ça tant que ça ici. Là, mais... Non, on n'en met pas. On n'en met pas d'habitude, mais je vous jure, là, c'est vraiment de la super de bonne musique de Noël. D'ailleurs, vous l'avez probablement déjà entendu. Parfois, c'est dans des magasins. Vous allez l'entendre dans des magasins. Parfois, c'est dans d'autres épisodes ou d'autres films qui passe à la télé. Qui font référence à ça. Exactement, qui font référence à ça. Mais la première place où vous avez entendu cette musique-là, c'est dans le film Un Noël à la Charlie Brown. En français, ça s'appelle comme ça. Oui, ça s'appelle comme ça. Je pensais que c'était Joyeux Noël, Charlie Brown, mais c'était pas ça. Non. C'est vraiment un Charlie Brown Christmas, Un Noël à la Charlie Brown. Wow! Puis il faut pas... La première fois que j'ai lu A Brown Christmas. Noël ça brun. Sonnait, hein? Ça sonnait brun. Ouais. Ouais, Noël brun, à la place de Noël blanc. C'est ça. C'est chanté par Bernard Adamus. Puis... Oh, ça serait tellement bon. OK, je m'y pas. Oh, faut pas faire ça, faut pas rentrer là. Donc, exit only. Savez-vous, c'est quand la première fois? Ben vous, toi, hein, Mathieu, je m'adresse à toi étant singulier. Merci. T'as un personnage singulier. Quand est-ce que la première fois que ça a paru, Charlie Brown Christmas? J'irais dans les années 70. Bien avant. Ben, peut-être pas bien avant. 64. Oh, 65. Puis pendant quel mois? Attends un peu. Novembre. Non, décembre. Je voulais pas y aller avec la réponse évidente. Tu sais. Ah, t'as pas gagné la Mercedes que j'avais comme prix si tu gagnais. Caché derrière. Donc, le 9 décembre 1965, paru pour la première fois là, l'émission A Charlie Brown Christmas. Puis l'auteur, en fait, de cette série-là, c'est Schultz. Il a fait tout plein d'épisodes Charlie Brown. Mais A Charlie Brown Christmas ou Un Noël à la Charlie Brown, c'est le premier épisode spécial de Schultz. C'est-à-dire que genre, il y avait des Charlie Brown probablement à chaque semaine. Une série normale, une espèce de... Il appelait ça... je pense qu'il appelait... Non, ça se peut pas que ce soit un sitcom. En tout cas, un genre de cartoon. Une espèce de cartoon dans l'ancien état. Il appelait ça autre chose qu'un cartoon. En tout cas, c'était la première fois. Fait qu'on était au tout début de Charlie Brown. Et cette histoire-là, si vous l'avez pas vue, d'ailleurs, je vous encourage à aller le voir, mais je pense que cette année, sur Télé-Québec, à Ciné-Cadeau, je pense qu'ils ne jouent pas. Puis je pense qu'ils ont perdu les droits. Arrête donc! Oh non! Ben, ça, c'est, j'étais pas mal outré. Mais tu vois, les gens, ils veulent tellement juste leur Lucky Luke, puis les autres, le Tintin, puis Astérix, que Charlie Brown est passé dans le tordeur. Ah ouais, Charlie Brown, malheureusement. C'était pourtant très, très, très charmant comme histoire. Une histoire sur la surcommercialisation et la soyons, je suis désolée, à matin, là, j'ai de la misère à prendre un chou. La sécularisation. Tu parles comme l'autre dans Charlie Brown. Je vais t'expliquer pourquoi il parle comme ça. Parfait. Je suis pas capable de l'imiter, mais bon. On se comprend. Ah, donc, la surcommercialisation et la sécularisation de Noël et le film, bon, en fait, le film de 25 minutes, on peut appeler ça quasiment un court-métrage, qui sensibilise l'auditoire à la naissance de Jésus-Christ. Et oui, on a Noël parce qu'il y a un petit bébé qui est né. Okay. Et en fait, je veux pas faire des jokes politiques, là, mais en gros, il dénonce la laïcisation de Noël. Okay. Mais savez-vous qu'est-ce qui est le plus drôle là-dedans? Non. Le film a été sponsorisé par Coca-Cola. Ah! Tant pis pour eux, parce que finalement, ils n'ont pas eu grand cash. Ils n'ont pas eu beaucoup d'argent par leur sponsor. Il fait en sorte que le montage était de très, très mauvaise qualité. On sait, là, les épisodes, chaque épisode était très mauvais, mais en plus de ça, ce mini-film épisode spécial-là était encore plus de mauvaise qualité. Et une des erreurs de montage les plus flagrantes arrive lorsque Schroeder cesse de jouer le piano et que tous les autres personnages continuent à danser pendant une bonne couple de secondes encore. Mais t'es pas supposé regarder tellement le piano parce que t'es supposé regarder les gens qui dansent, mais ils s'en sont pas rendus compte, c'est ça? Ben, genre. En tout cas, tu vas voir plus tard qu'est-ce qui est arrivé. Fait que là, CBS regarde ça puis ils se disent, parce que CBS était le producteur à l'époque, l'antenne qui a diffusé l'épisode spécial, et CBS était comme ça, pas de bon sens. On va le passer, là, mais on vous en recommandera plus jamais. Ça va être la fin de Charlie Brown. Mais il y a eu d'autres déboires en plus de ça. Là. Il y avait l'absence d'une, dans le fond, d'un son, d'un bruit de fond de rire. D'habitude, des rires en canne. Ouais. Mais il n'y avait pas ça. Eux autres, Schultz, ils ne voulaient rien savoir des rires en canne. Fait, il a dit non, moi, je vais faire à ma manière, je ne veux pas de rire en canne. Ça, j'apprécie, j'aime pas les rires en canne. Moi non plus, j'aime pas les rires en canne. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Le CBS, ça n'a pas de bon sens. Ça, comment les gens vont faire pour savoir quand rire? Exactement. Puis en plus de ça, Schultz a engagé à peu près, grosso modo, une ou deux ou trois personnes qui étaient spécialisées dans faire des textes, dans le fond, faire les voix pour les personnages. Ouais. Le doublage d'un dessin animé, si on veut. Le doublage du dessin animé. Le reste, c'était tous des enfants qui n'ont jamais fait ça de leur vie. Il y en avait qui ne savaient pas lire. La petite Sally, là, la sœur Charlie Brown, était trop jeune, elle ne savait pas lire. Et un des autres personnages disait qu'il fallait que... Ben, un des autres personnages qui avait de l'expérience disait qu'il fallait qu'il lui dise chaque phrase une après l'autre. C'était assez intense. Donc, tout ça, ça fait en sorte que ça devient comme tout boiteux, tout croche. Mais c'est exactement ça qu'on aime dans Charlie Brown, que ça soit tout croche. Fait que CBS de dire, mais non, ça sera pas un grand hit. Eh bien, non, finalement, un total de 50% des téléviseurs aux États-Unis étaient sur ce poste-là, écoutaient Charlie Brown. Et ça fait un total d'à peu près 8 télé. Une demi-télé par état, à peu près. Okay. Donc, je sais pas combien de télé qui étaient allumées pour écouter, finalement, cet épisode spécial-là. Ce qui est quand même vraiment pas pire à l'époque. Là. C'est pas... C'est aujourd'hui, je pense qu'avec des émissions comme La Voix, on n'atteint même pas ça. Non. Puis en plus, sur ces télés-là, je veux juste faire une parenthèse, il devait être à peu près 50 à l'écouter. Là. T'avais comme une télé par rue, puis tout le monde se pitchait là. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de télé. Exactement. On peut s'imaginer. Super, voilà. Puis savez-vous quoi? À cause du film, parce que dans le film, ça, c'est aussi, il met en vedette l'arbre de Noël, tout chétif, tout tout maigre, tout qui a de l'air un peu, en tout cas, malade quasiment. Malade. Ça a lancé une tendance des arbres de Noël vrais, des véritables arbres de Noël, parce que dans ce temps-là, les arbres de Noël qui étaient à la mode, c'était les arbres de Noël en aluminium. Puis cette mode-là a vite disparu en 1965, au même moment de ce film-là. Fait que ça a juste complètement disparu à cause du film de Charlie Brown. Mais maintenant, qui est l'illustre monsieur qui a fait la musique pour Charlie Brown? Pas juste pour cet épisode-là, mais pour d'autres épisodes aussi. C'est en fait Vincent Anthony, Vince Guaraldi, mais il est né Vincent Anthony Delaglio. Pourquoi a-t-il changé de nom? Parce que sa mère, dans le temps à peu près en 1930 quelque chose, a divorcé son père. Vous imaginez-vous quelqu'un divorcé en 1934? C'était très peu, c'était pratique peu courante. Et lui, dans le fond, il a étudié à San Francisco State University. Il a joué beaucoup de piano dans divers bands. Et en fait, le chœur qu'on peut entendre dans l'album de Charlie Brown, vient du St. Paul's Episcopal Church à San Rafael, Californie. Fait qu'il a probablement été cherché comme une petite école là, dans le coin, là, pas une petite école, là, mais je veux dire, il a été cherché là, dans ses racines pour trouver le cœur. C'est dégueulasse un peu ce que je viens de dire. Ce jeune homme-là, en fait, est mort effectivement jeune, à l'âge de 47 ans. Il est mort foudroyé, paf, red mort dans le corridor après une performance de Eleanor Rigby. Okay. Il est mort d'une crise de cœur. Des Beatles, genre, c'est ça? Ouais, Eleanor Rigby. Okay. Ouais. Eleanor Rigby. Ba-da-ba-da, ba-da-ba, ba-da-ba, ba-da-ba. Je connais pas les paroles. Mathieu. Et voilà, en gros, il est crevé, red mort d'une... J'aurais dû commencer peut-être avec cette histoire-là, parce que c'est super downer. C'est ça! Parce que tout le monde a dit, là, tout le cast, tous les personnages, les voix, les producteurs de Snoopy, de Charlie Brown. Puis moi, j'appelais ça Snoopy parce que c'était mon agoniste à moi. Bon, c'est ça. Il était tellement triste. La journée la plus triste du monde, c'était un gars qui avait une moustache. Tu sais, comment ne pas l'aimer, hein? Comment ne pas l'aimer. Bref, fait qu'en gros, ça ressemble à ça. On va aller écouter la première chanson qui m'a vraiment beaucoup marquée, moi, dans mon enfance, parce que je l'ai écoutée pour la première fois, là, je devais avoir une dizaine d'années, et c'est la chanson « Oh, Tenenbaum » à Justine Platine. C'est fou. On se l'appelait Vince Daddy. Vince Guaraldi. Moi, je l'appelle, tu sais, c'est VDG, j'appelle Vag. Nouveau surnom. T'as pas fait ça avant la show. Non, je gâche tout. Joyeux Noël. Thank you. c'était la fameuse musique de l'épisode spécial A Charlie Brown Christmas. Juste pour vous mettre un peu dans la nostalgie de Noël lorsqu'on était tous kids à côté du foyer à se faire griller des marshmallows avec un bout de la canne à pépé, puis on écoutait Charlie Brown. En tout cas, moi, c'est ça que je faisais, mais j'avais pas de grand-père, par exemple, fait que ça marche pas pas de guimauve, hein? Mais c'était ma tradition annuelle avec ma tante Dawn, puis on écoutait Charlie Brown Christmas à chaque année. Puis lorsque je suis devenue vieille, là, j'ai pas arrêté d'avoir le goût d'écouter ça avec ma tante. C'est juste qu'elle a déménagé, t'es rendue un peu loin, mais à un moment donné, elle m'a gravé l'épisode, j'ai capoté ma raide. Ça devait être un des plus beaux cadeaux de Noël touchants que j'ai eu de ma vie. Là. J'étais super contente. C'est vraiment touchant comme musique, hein? Oui, ça non, mais vraiment. Hein? Vraiment. Puis on entendait la dernière chanson, elle s'intitulait Skating, c'est-à-dire patiner. Hein? Ou bien patiner, patiner. Patinant. Patinant. En tout cas, c'est continuous tense. Le verbe avec le ing à la fin. Le temps de verbe avec ing. En tout cas, ing. Puis c'est lors de cette chanson-là que Snoopy prend la couverte à Linus puis le traîne tout partout. Ah. Je capote. J'adore ce bout-là dans l'émission là, où ce qui patine tout là, puis que Snoopy fait son fou comme d'habitude. Ouais. Mais moi, mon personnage préféré, c'est Woodstock. Celui qui fait un... Non, quand c'est pas ça. Genre? Ça, c'est comme tous les personnages adultes. Ouais. Tous les personnages adultes, ils font... Genre. Vous avez jamais remarqué, ben toi tu l'as remarqué, mais tu sais, à la maison. Voyons, vous dormez sur... À la maison. Vous dormez au gaz. T'es-tu crâne? C'est ça, les personnages adultes, ils parlent tout comme... C'est le point mieux que moi. Mais c'est à cause qu'il y avait juste pas de cash pour avoir des gens qui parlaient. C'est ça. Mais en même temps, ça donnait tout son charme. C'est un vrai style que ça donnait. C'est pour vrai, c'était maladement le fun. C'est ouais. Beau. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Oui, ceux qui savent pas que ça voulait dire O Tannenbaum, la première chanson qu'on a écoutée, en fait, ça veut dire genre O... sapin. Oh, mon beau sapin! Exactement. Okay. C'est allemand, hein, au Tannenbaum. Hein? Au Tannenbaum. Au okay. Tennis ball. Au tennis ball. Au Tannenbaum. À guerre. Oh, ça, c'est des snaps des services. Oui, Serena Williams. Et la chanson qu'on a entendue dans la sandwich, c'est Christmas time is here, avec le cœur que je vous disais qui venait de San Rafael, in California. Californie, mamma mia. Californie, Italie. C'est Vince Guaraldi. Ça fait italien un peu. Guaraldi. Mamma mia. Mamma mia, badge. Badge. J'espère que vous avez su apprécier cette très douce musique jazzée, temps de Noël, qui n'était pas un spin-off d'un artiste mauvais qui a juste pas réussi à percer comme du monde des oreilles chez Arden. Ça n'a aucun rapport. J'ai vraiment apprécié ce choix-là, moi, personnellement, et je trouve que c'est de la musique qui s'écoute à l'année longue, pas besoin d'être Noël. Pour tellement. Écouter. Tellement. Je ressors cet album-là là, quotidiennement. Ben, pas quotidiennement. Mettons mensuellement. 12 versements. Bimensuellement. 4 versements. Mensuel. Sensuel. Voilà. Ouh! Merci, Justine. Ah, merci, Mathieu. Ça m'a fait plaisir. C'est Justine aux platines. On fait ça toutes les deux semaines à Assemblage Requis. Oh, yes. Là, c'est la dernière de la saison, évidemment. Yes. Fait que j'ai à peu près là, 12, 13, 14 ans là, dans ce coin-là. Là. On avance tranquillement pas vite. Oui, on avance tranquillement pas vite dans le temps. C'est à peu près, grosso modo, chronologico romain. Sûrement. Peut-être pas si chronologico-romain parce qu'il fallait que cela joue dans le coin de Noël, j'imagine. Fait que tu l'as peut-être pas mis à la même place. Non, que... mais c'était dans cet âge-là là, que j'ai commencé à triper là-dessus. Là. Mais en revenant des fêtes, vous allez entendre la musique plus de mon adolescence. Puis après ça, à la fin de la session, je vais vous mettre là, de la grosse musique de mon présent. Oh! Oh! Génial, j'ai hâte d'entendre ça. Ben oui. Ouais, merci Justine. Ça m'a fait plaisir. Ça vient un peu? Bien sûr, un petit peu. Cool. Un petit peu. Une petite pause pendant ce temps-là. Ça va entendre. Ouais. Yeah, après ça, ce que j'ai de prévu, c'est David Ferron qui s'en vient. Ah, il s'en vient, mais genre son esprit. C'est ça, je vais juste lire à sa place. Je vais l'imiter. Oh non, je ne vais pas l'imiter. Ça va être La langue dans ton oreille, version spéciale. Oui, reste là. Continue tout le long de la pause à faire ça. CFOU 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Excuse-moi, j'ai interrompu ton histoire de choses qu'on racontera pas à la radio, là, Justine, fait que va falloir se refaire ça plus tard. Là, t'as que je me refasse une petite santé mentale. C'est ça, la radio, on s'en retient des fois, tu sais. Oh oui, mais les toilettes sont juste à côté du sujet. Bon, bon, bon. Avant de passer à David Ferron, il y en a dans ton oreille, voici une pièce de The Darcy's. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas entendu, elle s'appelle Hunting. 89.1 FM. Pièce Hunting de Darcy sur leur album Warring. W-A-R-R-I-N-G. Sais-tu ce que ça veut dire, Warring? W-A-R. R-R-I-N-G. Ben, faire la guerre. Je sais pas, moi. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que la chanson était excellente. Ça aurait pu être ça. Ça Warring? Ben, c'est un... Ouais, c'est, ouais, Colin, ça a rapport avec ça. A state of open armed, often prolonged conflict carried on between nations, states or parties. Donc oui, c'est comme une genre de guerre. Warring. Mais genre en continu, là. C'est pour ça qu'ils ont utilisé le continuous tense. C'est ça, c'est to wage or carry on warfare. Ouais. Oh, ben, ce qui nous amène, pas du tout, parce que c'est pas dans le même domaine, à David Ferron, voici la langue dans ton oreille. Dans ton oreille. Ah, il est petit mignon. Hey, t'es bonne pour ça. Ouais, j'ai un chat à la maison. J'ai un chat dans la gorge. Oui, je l'ai apporté à l'école, là, il est dans ma gorge. Comment tu fais ça? À l'école, dans le studio. Tu me montreras ça. Je veux voir l'intérieur de ta gorge depuis toujours. Vas-tu à la boule de poil? Donc, c'est dans la langue dans ton oreille. Par contre, cette chronique-ci est plutôt spéciale parce qu'on va faire le top 3 de la musique du monde et tout ça, ben, ça ressemble étrangement à brancher le monde. Brancher le monde, qui est l'émission que David Ferron anime tous les dimanches entre 17h et 19h, ici même assez fou. Et cette année, il nous a préparé un top 5 musique du monde, des chansons qui ont le plus joué, qui ont été les plus présentes dans son émission Brancher le monde et dans le palmarès qu'on joue dans la section ailleurs dans les palmarès à l'émission Les palmarès c'est fou, les jeudis après-midi. Bref, tout ça pour dire que là, il nous envoie son top 3 pour le faire jouer ce matin à Assemblage requis. Et on va vous lire le texte. En fait, je vais vous le lire de David Ferron. OK, pas pire ça? T'es lettré, c'est bon ça. Bonjour à tous. Comment? T'es lettré, merci. Mais ça veut dire qu'il y avait 1 million de Québécois qui savent lire? Arrête donc, 1 million. C'est la madame, voyons, la celle avec la couette, là. Voyons. Excusez-moi, c'est le chat. Hey, c'est la madame, là, l'écrivaine, là, avec la couette, là. Colin. Je vais vous. Lis la lettre, là. OK, je vais parfait. Vous dire après. Je vais lire, c'est pas besoin d'écouter de toute façon. Mais non, je peux écouter, mais je suis capable de faire deux affaires en même temps, je suis une femme. Bon. C'est ça. David cite. Je cite David ici. Bonjour à tous et à toutes. La berge! Merci. Marie Laberge? Oui. Parfait. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer le top 3 des chansons de la catégorie Musique du monde de C'est fou 89.1 FM. Au numéro 3, Traces of You par Anushka Shankar featuring Norah Jones. La troisième position est offerte par un duo de demi-sœurs, soit celui formé de Norah Jones à la voix et d'Anushka Shankar à la sitar. Il s'agit de la chanson Traces of You, tirée de l'album du même nom que nous a offert Madame Shankar en début d'octobre. La chanson Traces of You est restée au top 5 Musique du monde pendant 7 semaines, atteignant la deuxième position. Anushka Shankar est la fille du célèbre joueur de sitar Ravi Shankar, décédé l'an dernier. Anushka suit donc dès l'âge de 10 ans des cours pour bien maîtriser le célèbre instrument indien. Désormais britannique, la talentueuse musicienne s'implique également politiquement en se montrant préoccupée par le sort des jeunes femmes indiennes. Alors écoutons Anushka Shankar featuring Norah Jones et Traces of You. Dans le top 3 musique du monde avec David Ferron. Mais sans David Ferron. Donc mieux. Non, c'est une blague. Traces of you. Anoushka Shankar. Featuring Norah Jones et Traces of You. C'est dans la chronique Langue dans ton oreille. Petit top 3 musique du monde de David Ferron. C'était très bon. Oui. Non, c'est vraiment pas moi, David Ferron. Non, en effet. En fait, David Ferron n'est pas là aujourd'hui, donc on parle de lui parce que c'est lui qui nous a écrit ce texte pour vous parler du top 3 des musiques du monde. Et en deuxième place, c'est Caprichos de España par Stefano Boiani et Hamilton de Holanda. Okay. On dirait qu'on dit n'importe quoi à l'instant-là. Le pianiste italien Stefano Boiani et le joueur de bandolim, qui est une sorte de mandoline brésilienne, Hamilton de Holanda, se sont rencontrés en 2009. Bang! Le coup de foudre musical s'est fait entre les deux musiciens. Ainsi, ils décident de jouer ensemble sur scène dans le cadre du Jazz Middelheim, un festival annuel en Belgique. L'album y est enregistré et s'intitule O que será, d'où est tirée la pièce Caprichos de España, qui signifie Caprice d'Espagne en portugais, et non Espadrille d'Espagne, comme David Ferron l'a longtemps cru. Caprichos de España est resté également cette semaine au top 5 musique du monde et a même atteint la pole position. Donc écoutons ça, Stefano Boiani et Amita de Holanda avec la pièce Caprichos de España. La langue dans ton oreille. Ça, c'est fou. Stefano Boiani et Hamilton de Holanda. Ouais! Merci, c'est trop gentil. Ils sont donc bien bons, ces pianistes italiens-là. Vraiment, hein? Ça en fait deux un matin. La pièce s'appelle Caprichos de España. On est toujours dans le palmarès des musiques du monde selon l'émission Brancher le monde, animée par David Ferron les dimanches après-midi à 17h. Soyez-y bien sûr pour entendre le top 5 au complet, parce que nous, c'est seulement le top 3 qu'on vous présente ce matin. Mm-hmm. OK. Il nous reste seulement le numéro 1 à entendre, et je continue le texte de David, je cite... Les membres du groupe Tamikrest, qui veut dire rassemblement, proviennent tous du Mali, sauf le guitariste français, Paul Salvagnac. Le groupe a enregistré l'album Chatmis à Prague, en République tchèque. Le chanteur du groupe Osman Agmossa déplore qu'au Mali, les musiciens issus du groupe des Touaregs, le peuple du Sahara longtemps ayant été nomade, je pense qu'il a juste été longtemps nomade, sont marginalisés. De plus, je vais recommencer la phrase parce qu'on n'a rien compris. Le groupe a enregistré l'album Chatma à Prague, en République tchèque. Le chanteur du groupe Osman Agmossa déplore qu'au Mali, les musiciens musiciens issus du groupe des Touaregs, qui est un peuple du Sahara longtemps nomade, soient marginalisés. Voilà. De plus, avec l'invasion des extrémistes islamistes au Mali, la promotion de la diversité culturelle est grandement menacée. Le titre Imanine Bas Issoun, que moi j'appelle Imagine ma bisoune depuis le début, personnellement, moi, Mathieu, donne des mots de tête à certains animateurs du matin. Je suis dans le texte! Mais cette pièce est tellement entraînante qu'on oublie la difficulté de dire le titre. Tiré de l'album Chatma, Imanine Basihoun est resté 8 semaines au palmarès Musique du Monde, dont 3 à la pole position. Voilà. Donc, écoutons Tammy Crest avec la pièce Imanine Basihoun. C'est dans la compilation Top 3 Musique du Monde dans la langue dans ton oreille. Oui, voilà, j'attendais que tu le fasses. Running Gag! Imani basi de wulhin de niskam tijra utuk matina germani nedman imani basi de wulhin de niskam tijra utuk matina germani مشلاني بس دلان الخالي بس دراس دوت النت مزوان إيماني بس يهون أبي ولهين جنستان تجرى وتفنى تلا جرماني ندمان Imanine Basihoun de Tammy Crest dans le bloc La Langue dans ton oreille, version Brancher le Monde. Et on vous rappelle le top 5 musique du monde de l'émission Brancher le Monde. C'est dimanche entre 17h et 19h avec David Ferron. David Ferron. Ferron. Voilà. En fait, je pense à mon affaire. Je me demande si c'était la semaine passée ou si c'est dimanche qui s'en vient là. Mais bref, écoutez Brancher le Monde les dimanches. Bon, ça revient en janvier. Ça. Au pire, ça revient en janvier. Merci à David Ferron d'ailleurs pour son texte et c'est super le fun qu'il nous ait fait ça. Et d'ailleurs, on le perd comme chroniqueur hebdomadaire à Assemblage Requis. On va l'avoir de façon seulement ponctuelle à partir du mois de janvier. Donc, on va vous avertir un petit peu à l'avance pour pas vous brusquer. Il faut être ponctuel, par exemple. C'est ça, dans sa ponctualité. Oui. Et ses ponctuations. Oh aussi. Oui, ou l'absence de... Parlant de ponctuation, on va prendre un petit point-virgule pendant quelques secondes et on revient juste après à Assemblage requis. Je pense que c'est un 2 points, Mathieu. 2 points? 2 points. Qui annonce la pub, hein, c'est ça? OK. Et toi, tu nous quittes, donc 3 petits points. Ah oui, des points de suspension. 3 petits points de suture. 3 petits points de suture, exactement. Ça, c'est quand je vais me faire mal en sortant de la porte parce que quelqu'un va avoir ouvert la porte en même temps que moi. Ben, prends un rétablissement d'abord. Oui, merci. Et joyeuses fêtes. Dans le futur. Oui. Capsule InfoCampus. La période d'inscription pour la 10e édition du QTR en spectacle est désormais ouverte, et ce jusqu'au 17 janvier 2014. Encore cette année, le concours vise à recruter de nouveaux talents dans le domaine artistique. Les étudiants sont invités à s'inscrire en remplissant le formulaire disponible sur le site web d'Université en spectacle et à l'apporter en main propre au service aux étudiants du QTR au local 1275 Albert-Tessier. Les auditions se tiendront le 28 janvier 2014. Il est possible d'obtenir plus d'informations concernant les règlements en écrivant à uqtr.en.spectacle@commercial.uqtr.ca. L'Université du Troisième Âge invite les amateurs d'opéra au récital Instant Lyrique de Nadia Neyazi, soprano et professeur à l'UTA, accompagné de Pascal Verstrepen, au piano. L'événement, qui se veut un récital de chant animé, présentera les airs du grand répertoire d'opéra qui côtoie le Lied allemand, un parcours de Bach à Puccini, de l'oratorio baroque à l'opéra du Verissimo. L'activité se tiendra le 16 décembre prochain à 19h à la salle de concert Rodolphe Mathieu, au local 2063 du pavillon Michel Sarrazin de l'UQTR. Le coût d'entrée est sur contribution volontaire. Les concours interuniversitaires de bande dessinée et de photographie sont ouverts jusqu'au 6 février 2014. Plus de 1 500 $ en prix est à gagner. Le thème pour la 5e édition du concours de bande dessinée et pour la 28e édition du concours de photographie est « Éphémère ». Le formulaire d'inscription ainsi que les règlements des deux concours sont disponibles au service aux étudiants au local 1275 du pavillon Albert-Tessier. C'était votre capsule InfoCampus. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Ah, cette pause de 8h30 est trop longue. Je m'ennuie de vous pendant un bon 4 minutes et nous revoilà ensemble à Assemblage requis en ce jeudi du 19 décembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante, toujours en direct des studios de CIFO à Trois-Rivières et toujours sans Jean-Philippe Charbonneau qui va être de retour en janvier. D'ici une demi-heure environ, Stéphanie Paradis va nous rendre visite pour le reste de l'émission et on va passer un petit moment à parler de ce qui s'en vient en janvier à l'émission. Donc ça va être à pas mal la fun et c'est à 9h, donc dans une 25 de minutes. Avant ça, on va faire les instructions d'assemblage dans quelques instants. Mais pour commencer cette portion d'émission, voici Alex Nevsky et Mieux vaut vivre pauvre sur CIFO 89.1 FM. Ravi de Robana et de Bob, on se prend par les cornes, on s'envoie dans les cordes. Si le soleil sort, mieux vaut réchauffer nos corps. Si l'abstinence est d'or, mieux vaut vivre. Du lime, on se courbe les chines, on se love, on s'imagine. Si le soleil dort, mieux vaut réveiller nos corps. Si l'abstinence est d'or, mieux vaut vivre. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Alex Nevsky, mieux vaut vivre pauvre. C'est comme un genre de tongue twister, un tourne-langue. Mais bon, c'est Alex Nevsky quand même, à son âge requis. Et maintenant, ben, Colin, moi, je veux savoir comment vivre, puis je vais moi-même suivre mes propres instructions pour pouvoir savoir, moi, comment faire les choses. Puis, tu sais, je vais m'écouter. Dans le fond, je vais parler en même temps, parce que j'ai personne avec qui le faire. Donc, voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Marche pas. Oui. Donc, c'est les instructions d'assemblage de la chronique où on se dit quoi faire, on se donne des moments. Et comme moi, je vais vous laisser même le temps genre d'apprécier l'intelligence qui s'en vient en vous laissant une petite pause de 3 secondes comme ça. Et me revoilà. Vous avez vu comment vous avez maintenant... vous êtes apte à comprendre et à absorber l'information. C'est vraiment malade. Donc, commençons avec ce conseil sur la vodka et le shampoing. Ajoutez de la vodka au shampoing que vous utilisez pour renforcer vos cheveux, empêcher le cuir chevelu sec et arrêter les pellicules, nous dit-on. Évidemment, je ne l'ai pas essayé, mais pourquoi ne pas ajouter de la vodka à votre shampoing? Un peu pour toi, un peu pour moi, un peu pour toi, un peu pour moi. Alors, ensuite de ça... si vous avez des sacs d'épicerie à transporter, vous trouvez ça lourd et vous voulez trouver une façon plus simple de transporter vos sacs d'épicerie. Donc, 50 livres de sacs d'épicerie vont tenir sur un beau petit mousqueton pour l'escalade, le truc qu'on visse. Là, c'est comme un genre d'ovale à coin carré et puis il y a une petite vis dans le milieu qu'on peut détacher et rattacher. Et ça, ben, ça peut supporter un grand poids. Donc, transporter vos livres vos sacs d'épicerie en les attachant après votre mousqueton, ça va vous simplifier la vie. Et ensuite, on nous conseille d'appeler une pizzeria et leur demander s'ils ont des restants, des pizzas, genre que les gens sont pas venus chercher. T'sais, ils passent la commande, ils viennent jamais la chercher, ils changent d'idée, ils vont ailleurs. Ben, appelez et des fois, certaines pizzerias vont vous donner un rabais sur votre pizza. Quand même sympathique, pourquoi ne pas l'essayer? Quand vous regardez un DVD, faites jamais jouer le film, t'sais, genre il y a tout le temps le bouton, bon... jouer le film, voir les bonus, voir les chapitres, etc. Donc, allez à la place dans la sélection des scènes, dans les sélections de chapitres. Comme ça, vous allez arriver directement au premier chapitre et vous allez sauter par-dessus les bandes-annonces qu'il y a au début du film. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir sauter les publicités qui sont au tout début du DVD avant même que le menu apparaisse, mais au moins, vous sauvez une petite étape. Faire ses cheveux, donc et sa manucure, pédicure, etc., là, se faire prendre soin de soi-même, c'est prouvé que ça va baisser votre taux d'anxiété et ça va traiter la dépression tout en soulageant aussi le stress. Tout ça va ensemble, anxiété, stress et dépression, donc de prendre soin de soi. Quand vous êtes à un bar, vous allez aux toilettes et vous voulez pas que quelqu'un parte avec votre verre. T'sais, souvent, le barman ou la personne qui va s'occuper de ramasser les verres vides, quand il va rester un petit peu de bière dans votre verre et qu'il va être sur le comptoir, ben, ils vont juste partir avec quand ils vont faire leur tour. Mettez votre sous-verre sur le verre. Hein? Transformez-le en sur-verre. Et c'est le signe international pour « je vais revenir, donc n'enlevez pas mon verre ». Ça va aussi dire à ceux qui veulent acheter du GHB à votre boisson, juste à soulever le couvert puis le mettre dedans. Mais bon, moi je dirais « surveillez donc votre verre, finissez-le et allez aux toilettes après. » Ou donnez-le à un ami en qui vous avez confiance. Brassez une canne de noix mélangée avant de les manger. Donc, tu sais, une canne, genre, ou un pot, ou un plat, peu importe, de noix mélangée. Brassez-le et les plus grosses noix vont finir sur le dessus. Par question de physique ici, là, je n'expliquerai pas le concept là, de la centrifuge, mais bref, les grosses noix vont monter en haut si vous voulez les manger. Les chercheurs nous apprennent que d'être exposé à des mots qui ont rapport au soleil, par exemple confortable, calme, repos, relaxé, ça va affecter le sommeil de façon positive chez les participants. Donc vous allez mieux dormir, alors lisez des affaires avec ça dessus. Ensuite, ça c'est vraiment le fun, avec de la soie dentaire sans saveur, sans rien, c'est très nature, utilisez ça pour couper un morceau de gâteau, des fromages mous, des trucs comme ça, parfaitement. Donc un gâteau, par exemple, si vous avez un gros gâteau, vous pouvez prendre votre soie dentaire, la tenir très très fermement, l'écartiller bien comme il faut, et trancher. Un peu comme, tu sais, on connaît tous là, les genres de trucs pour trancher le fromage, c'est un peu similaire à ça qu'on peut acheter d'habitude, qui sont faits spécifiquement pour les fromages. Ça va faire les belles petites tranches. Ensuite, peinturer le petit bouton, tu sais, sur votre la porte patio a tout un petit bouton en haut, en bas pour barrer et débarrer la porte. Et souvent, quand t'es couché le soir, tu te dis « Est-ce que j'ai barré la porte? » Bon, là, il faut que tu descends, il faut que t'ailles genre tasser la porte parce qu'il fait noir, il faut peut-être l'ouvrir, voir si ça s'est barré. Mettez un petit peu de peinture ou même du liquid paper, quelque chose comme ça, dans la position on ou dans la position off pour que de loin vous puissiez savoir, ben quand même ma porte est barrée, j'ai pas besoin d'aller faire le tour jusqu'à ma porte patio. Moi, je trouve ça intelligent, savoir si elle est barrée de loin. Si t'as besoin de rester réveillé en classe, on dit de boire deux choses. Quelque chose de chaud et quelque chose de froid. Donc, un café, par exemple, et une bouteille d'eau. La combinaison des deux va stimuler vos sens dans votre cerveau et vous allez rester éveillé plus facilement. Donc, un verre d'eau chaude, un verre d'eau froide. Quelque chose de chaud, quelque chose de froid. Ensuite, prenez une bouteille, un gallon de lait ou de jus qui est transparent ou même s'il n'est pas transparent, c'est pas même grave. Et faites une encoche en dessous de la poignée où on met ça, notre main juste en dessous de ça et jusqu'en bas de votre bouteille et virez-la à l'envers. Évidemment, c'est un petit peu visuel. Allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien. Là. Mais vous allez faire des beaux porte-crayons avec ça. C'est super beau. Et vous pouvez l'accrocher sur le mur. Ça fait un petit peu en forme d'urinoir avec la poignée par en bas là, et le bouchon par en bas aussi. Donc, une encoche en haut pour mettre vos crayons. Même chose, un petit peu bricolage ici. Prenez une balle de tennis et faites une fente à l'intérieur, environ à la moitié, peut-être un petit peu en bas de la moitié. Et vous pouvez même y mettre des yeux et ça va faire, vous allez pouvoir la coller sur le mur ou la clouer sur le mur en ouvrant la balle à travers la bouche et en vissant ça. Et ça va faire un bon porte-clés, par exemple. Vous pouvez même mettre votre courrier là-dedans. Une petite balle de tennis sur le mur avec une fente, on insère le courrier là-dedans ou on insère, je sais pas, des sacs, peut-être des sacs de d'épicerie. Chose comme ça, donc dans une balle de tennis, ça peut être assez joli. On continue avec les appels de télémarketing. Si vous en recevez souvent sur votre téléphone cellulaire, vous avez qu'à leur dire, ou téléphone à la maison, dites-leur que vous avez 17 ans ou n'importe quel âge en bas de 18 ans. Faites une petite voix un petit peu plus jeune ou même, vous avez le droit d'avoir une voix plus grave si vous avez 16 ans. Et ils vont arrêter de vous appeler, ils vont vous mettre dans la liste des gens qui ont en bas de 18 ans et qui n'ont pas le droit de les appeler. Les cannes de Pringles maintenant. De chips, évidemment, utilisez-les pour mettre des biscuits, par exemple, pour les fêtes, pour Noël. Vous voulez donner des biscuits en cadeau à quelqu'un qui vous accueille pour le party des fêtes. Donc, évidemment, enlevez l'étiquette, remplacez ça par du beau petit papier. Vous pouvez mettre, laver l'intérieur, pas besoin de vous le dire. Et mettez des biscuits dedans, ça fait un beau petit truc à biscuits. C'est cool. Cool. Placez un élastique autour d'une canne de peinture, d'un pot de peinture. Un élastique qui fait tout le tour et vous allez pouvoir facilement essuyer votre pinceau sur l'élastique et ça va recouler dans le pot de peinture à la place de couler tout le tour. Très facile. Dans le jeu de Monopoly, on nous dit de jamais acheter plus de 3 maisons par terrain parce que statistiquement, tu vas finir par dépenser plus d'argent que les profits que tu vas faire sur ces espaces-là. Donc au Monopoly, pas plus de 3 maisons par terrain. Les photos sur un iPhone, là ça va paraître évident pour certains, mais les photos sur iPhone sont de bien meilleure qualité si tu prends la photo avec un niveau de zoom de 0, donc la réalité, 1 pour 1, etc. Ça va être de bien meilleure qualité que si tu zoomes avant de prendre la photo. Bref, t'es mieux de prendre la photo et ensuite zoomer dessus, soit sur un logiciel sur l'ordinateur ou en zoomant avec tes doigts sur l'iPhone, à la place de zoomer et ensuite prendre la photo. C'est un zoom numérique et non un zoom physique. C'est bien ça qu'on dit numérique? Numérique, oui. Bref, c'est pas une bonne chose. Prenez vos vieux tapis de souris, tout déglingué, mettez-les dans la cuisine, dans vos tiroirs ou dans les armoires pour faire des antidérapants. Par exemple, pour empêcher les chaudrons de tomber, vous pouvez les virer à l'envers, genre, ou même le mettre à l'endroit, et vos trucs vont tenir. Ah, c'est-tu le fun? Maintenant, pour les... Ah, ça, c'est le fun. C'est une autre petite recette. On fait ça une fois de temps en temps. De mélanger ensemble 2 tasses de Cool Whip, 6 cuillerées à table de Nutella, 1 tasse de lait. Et mettez ça dans un moule à popsicle. Faites congeler pendant quelques heures et ça va vous faire des popsicles au Cool Whip, Nutella et tout. C'est débile. Je répète la recette pour ceux qui suivent. 2 tasses de Cool Whip, 6 cuillerées à table de Nutella. Mettez-en 10. Là, pour... 1 tasse de lait. Tout ça dans un moule à popsicle. 6 tasses de Nutella. 6 cuillerées... Pas 6 tasses. 6 cuillerées à table. Bref, faites ce que vous voulez, faites des tests. Plus de chocolat, on gagne, on aime ça. Prenez un vieux tube, genre de chapstick, du truc pour les lèvres, et remplissez ça d'argent, genre, enlevez le truc dedans, lavez-le, passez ça au lave-vaisselle, n'importe quoi, et mettez votre argent dedans. Ça fait une belle petite cachette, personne qui va aller voler votre chapstick. Personne va voler votre chapstick. Qui voudrait se mettre les lèvres sur les lèvres de quelqu'un d'autre? Petit combo rapide. Ça, j'aime ça, les images qui sont petites comme ça. Attention, je vais essayer de l'ouvrir en plus grand, voir. Je vais vous lire ça parce que c'est intéressant. C'est intéressant. C'est des combos, des combinaisons de choses pour vous remplir. C'est pour faire des bonnes collations le matin. Pour ceux qui n'ont pas le temps de déjeuner, là, amenez-vous une tranche de pain blé entier, OK, avec du beurre d'arachide et un demi... comment t'appelles ça? L'agrume, le gros agrume, le peuple mousse, Un pamplemousse. Sinon, allez-y avec du yogourt fait blanc en gras, des bleuets et des noix, granola. Sinon, allez-y avec peut-être une gaufre multigrain avec une banane, une tranche de banane fraîche et un œuf cuit dur. Des trucs comme ça, des combos rapides à faire pour déjeuner le matin pour bien vous remplir et passer à travers votre journée. Comment faire des... Alors ça, j'en ai déjà parlé un petit peu. Je vais vous remettre la recette parce que je trouve que pour le temps des fêtes, c'est particulièrement approprié. C'est comment faire un brownie dans une tasse. Il y a des kits qui se vendent en magasin maintenant. Ma copine en a reçu une au travail. C'était un pot avec tous les ingrédients déjà dedans et t'avais juste à faire tes propres brownies. Ici, c'est des instructions pour le faire vous-même dans une tasse. C'est super simple. Bref, vous avez besoin d'un quart de tasse de sucre, un quart de tasse de farine, deux cuillères à table de cacao, une pincée de sel, deux cuillères à table de l'huile d'olive, trois cuillères à table d'eau naturelle, d'eau de source naturelle, et de la crème glacée. Et donc, on dit, instruction, c'est d'ajouter tous les ingrédients, ajouter de l'huile et l'eau, mélanger jusqu'à temps que ce soit consistant, mettez ça dans le micro-ondes pendant 1 minute 40 secondes, enlevez-le, ajoutez de la crème glacée, et voilà, vous avez un brownie dans une tasse. Pour vrai, ça a l'air compliqué dit comme ça. La photo est sur assemblagerequis.com. Vous allez vous en sortir, j'en suis sûr. C'est un brownie dans une tasse. On nous dit, et ça, j'avoue que je le recommanderais si j'aimais pas, si j'aimais le look, je trouve ça laid un petit peu, mais mettez votre barre des tâches à droite à la place d'en bas dans Windows. Parce que, ah oui, je connais des gens qui font ça et ils ne jurent que par ça. En mettant la barre des tâches à droite dans une à côté des contrôles de la fenêtre, c'est que tout est facile d'accès. Votre bouton démarrer, les boutons pour fermer les fenêtres, agrandir les fenêtres, tout est dans le même coin, vous allez bénéficier, vous allez avoir un avantage à avoir un écran large. De nos jours, tout le monde a des écrans larges et tout apparaît dans le milieu de l'écran, fait qu'on gagne absolument rien en ayant ça. Faites ça comme ça. Et utilisez un rack à souliers pour organiser vos armoires. C'est une très bonne idée. Comme ça, vous allez pouvoir mettre des collations dans les petites poches. Par exemple, mettre, je sais pas moi, des bâtons dans les petites poches. Vous allez sauver de la place. Vous allez pouvoir mettre plus, mettons, de plats, Tupperware ou n'importe quoi dans vos armoires et vos collations vont être dans la porte. Voilà pour la première partie des instructions d'assemblage. On a une deuxième partie qui s'en vient. Mais avant ça, on écoute une chisse. C'est la seule chanson de Noël qu'on a dans le palmarès en ce moment. C'est Il est né le chèque de la divine Sequin par Rouge Pompier. Il est né, le chèque de la divine Sequin. Enfin, baptisons-le. Excusez-vous pour l'avoir baptisé après ça, parce que c'est pas leur choix aux enfants de se faire baptiser. Et Colin, on vous dira pas comment en vivre, sauf que oui, parce que c'est la chronique Les Instructions d'assemblage. Et là, Stéphanie Paradis est là pour la deuxième partie. Salut! Salut, ça va bien? Ça va très bien! Super! Génial! Donc, Stéphanie Paradis, avec qui on va passer le reste de l'émission. Attends un peu, là, j'ai plein de commentaires sur ce qui vient de se passer. Il n'y a rien qui s'est passé, moi je ne me rappelle rien. La vodka, ça va dans la bouche, pas sa tête. Oui, mais c'est pour ça que je disais une bouchée pour toi, une bouchée pour moi, ouais, une gorgée. Après ça, ma barre des tâches est toujours à droite. C'est vrai, même si à gauche, c'est moins optimal. Ben, t'es à droite, c'est pour ça qu'elle est à droite. Puis, brownies dans une tasse, pas compliqué, là, je m'en fais comme trop régulièrement. Mais il y a beaucoup d'ingrédients et le sel vient aider au goût, apparemment. En fait, la petite pincée de sel, là, ça vient relever le goût de tout. Donc, c'est même nécessaire, je te dirais, dans les pâtisseries. Exact. Je te laisse continuer, mon cher. D'accord. Allons-y avec la deuxième partie d'instruction d'assemblage et tu vas commenter évidemment là-dessus. Par exemple, un truc pour déménager les vêtements. Ceux qui doivent déménager, on sait tous, les vêtements, on jette ça dans un sac poubelle, dans une boîte, puis on transporte ça, puis c'est tout. C'est tout pas dans l'ordre, là, faut les remettre ses supports, ou tu sais, des fois tu laisses le support. C'est déprimant, c'est déprimant. C'est juste tellement plate. À la place, là, de mettre vos vêtements dans un sac poubelle, OK? Prenez le sac poubelle et mettez-le autour de vos vêtements dans le garde-robe et laissez les supports accrochés et, mais après ça, attachez les supports ensemble. C'est tellement ce que j'ai fait la dernière fois. Je regardais ça, j'étais comme, je suis ben trop large, fait que j'ai attaché mes supports avec un élastique. J'ai mis le sac de poubelle par-dessus. T'es un génie, pas sans pire, savoir. Hein? Hey, j'y ai pensé toute seule, comme une grande fille. C'est parfait. On a parlé de popsicle tantôt. On vous a donné une recette. On est tellement faim de popsicle au Nutella. Là. Ça avait l'air vraiment bon. On va l'essayer, ça. Ben, c'est vraiment tentant. Tu sais, on disait qu'on voulait avoir un réfrigérateur assez fou. Faudrait un congélateur, maintenant. JP! Si vous voulez avoir un freeze pop, un popsicle parfait dans votre congélateur, OK? Il y a tout le temps des fentes. Sur la tablette du congélateur, t'as des fentes. Genre, t'as comme des petits trucs de... Je sais pas si c'est fait en quoi, là, mais des slots, si on veut. des fois, les affaires ont de la misère à s'équilibrer dessus quand ils sont trop minces. Mais justement, servez-la pour la bonne cause en mettant vos popsicles à travers les fentes dans le coin, mettons à droite de votre congélateur. Dans les fentes, mettez-en, mettons, 5 de suite. Mettez-en 5 sur l'autre rangée. Ça va faire un groupe de popsicles. Et ils vont tenir debout quand ils sont, évidemment, pas congelés. C'est ça? Et ça va faire la forme parfaite de popsicle. Vous allez avoir exactement la place pour venir couper en haut de votre popsicle. T'sais, alors que quand t'es mis à plat dans le congélateur, t'es tout le temps en train, bon, quand il va falloir que je coupe le bout du popsicle en tant que tel, t'sais, fait que tu manques un bout de plaisir. On se comprend? J'ai bien de la misère à imaginer ce que tu me dis. Ben, c'est de les mettre debout dans les fentes de la tablette du congélateur, comme ça ils tiennent debout et le liquide va être fermement accroché. Je sais qu'en te le montrant, ça aide pas l'auditeur commun, mais peut-être que tu vas m'aider à mieux l'expliquer. OK, c'est parce que c'est pas des popsicles, c'est des Monsieur Freeze. Excuse-moi, la différence entre un... Ben, un popsicle... J'ai toujours appelé ça popsicle, Monsieur Freeze. Non, un popsicle, dans le fond, tu mets ça dans un moule, là, ouais. C'est toi qui fais congeler ou okay. Ça vient déjà geler. Les Monsieur Freeze, ça vient pas geler dans des petits sachets, là. OK, ben si ça peut aider tout le monde, donc comment t'appelles ça? Un Monsieur Freeze. Parfait. On vient pas de la même place. Hein? Moi, c'est un popsicle, ça aussi. OK. OK, en tout cas, bref, on se chicanera pas, mais c'est des Freezies, les affaires qui sont faites en tube avec qu'il faut que tu coupes en haut pour avoir la saveur. Oui, là, je comprends ce que tu me dis et là, je trouve ça brillant. Et là, l'auditeur comprend aussi. Ouais, ben en fait, juste avant, je te trouvais niaiseux. Merci. Puis là, je te trouve super brillant. Ah, génial. Ben c'est pas ma faute, là, c'est Internet. Ah, non, prends donc le crédit un peu. J'aimerais ça. Après ça, on me dit crédit de tes sources, fait que ça. Ensuite, un autre truc très, très intéressant. Tu sais, l'hiver, on se sert un petit peu moins des nouilles pour la piscine, tu sais, les petites nouilles, là. Effectivement, c'est assez rare que je me sers de ça, dans mon bain. Donc, utilise tes nouilles. Ben, en fait, gâche-les. Tu pourras pas t'en servir l'été prochain avec le truc que je vais te donner là. C'est que avec l'hiver et les bottes dans le garde-robe, souvent tes bottes vont tomber. Ben oui. Tu sais, parce qu'ils sont molles, ça tombe sur le côté, puis là, t'as de la misère à les ranger. Coupe ta nouille. Titre de l'épisode d'ailleurs, coupe ta nouille. Non, c'est pas vrai. C'est pour ça que moi, j'en ai plus une nouille. C'est déjà coupé depuis longtemps. Ablation de la nouille, comme on appelle. Ouais, c'est ça. Donc, prends ta nouille, coupe-la en morceaux et insère la nouille dans ta botte. Ça va être debout! C'est comme une jambe de petite fille de 12 ans. Au lieu de couper des jambes de petite fille, essayer la nouille, c'est un peu moins propice à aller en prison. Donc, c'est ça. Mettez ça dans vos bottes puis ça va faire la job. Maintenant, vous avez du glitter. Tu sais, les filles, des fois, ben, un peu moins ces temps-ci, c'est un petit peu moins à la mode, on dirait, depuis quelques temps, mais le glitter, les filles avaient des glitters d'en face. Des petits brillants. Ouais. Moi, j'ai tout le temps fait des conjonctivites, j'ai arrêté d'utiliser ça. Ah, OK. Pour vrai, jadis, quand j'étais tout petit, je m'en mettais sur les yeux, ouais. Je faisais des conjonctivites à cause de ça. Donc, honnêtement, ça doit être proscrit là, par la loi. Là. Proscrit, j'aime ça. Donc, pour éviter d'avoir du glitter partout, c'est simple. Utilisez un petit rouleau à tissu aussi pour enlever les mousses. OK. Et ça va ramasser le glitter. Pour vrai? C'est quand même cool. En tout cas, ceux qui me connaissent savent que les petits brillants comme ça, c'est le truc que je déteste le plus au monde. Donc, déjà, dans le temps des fêtes, c'est quelque chose qui me tue. Mais... C'est ça. Celui qui colle vraiment. On le connaît. Pas celui dans le tissu. Là. C'est, genre, c'est ça. Ben écoute, pour vrai, je vais l'essayer. OK, cool, on s'en reparle. Ben vraiment. On va faire les suivis de tout ce qu'on dit ici. Je vais t'arriver le 6 janvier, le truc des glitters, là. Surtout, c'est clair, tu vas me parler plus. Hey, tu sais, le popsicle, le brownie. Il faudrait tellement que je me botte un peu puis que j'efface ces affaires-là. Comment nettoyer son malaxeur, son mélangeur, son robot culinaire, tous les noms sont appropriés, le blender, finalement. Ah, je le laisse sur le comptoir, mais je dis chérie, lave-moi ça. Bon, bonne idée, mais si vous n'avez pas de chérie, fais-moi ça. Comment nettoyer son blender soi-même, c'est de verser du savon-vaisselle dans le blender. Savon-vaisselle. Ensuite, verser de l'eau. 3, faites brasser. 4, rincer. Ah! pas l'étape 5. Tu blendes ton eau de vaisselle. Tu blendes ton eau de vaisselle, man. Ben, c'est pas fou. Parce que ça va donner le même résultat. Il n'y a rien de mal là-dedans. Tu vas le laver de toute façon avec du savon à vaisselle si tu le fais à main. Fait. Ben oui. Ça donne la même chose. Ah! Comme ça. Bref. Mais assurez-vous de vraiment bien rincer. Des fois, le goût de savon, moi. Ben, même si tu le blendes pas, faut que tu t'assures de bien rincer quand même. Oui. Et OK, ouais. Merci. J'aime ça. Ensuite, la couleur de votre pipi. Pipi! On veut savoir ce que la couleur de pipi veut dire. Et la Cleveland Clinic nous raconte un petit peu l'histoire de qu'est-ce que l'urine veut dire. L'urine qui a une variété de couleurs qui va d'un ambre très foncé à une couleur miel, à une couleur plus pâle. Bref, toutes les variétés de couleurs. J'aime pas ça ce matin. C'est pas le fun. Hein? La couleur de l'urine peut vraiment vous dire beaucoup de choses par rapport à votre corps. Par exemple, si votre pipi n'a aucune couleur et est transparent, c'est que vous buvez beaucoup d'eau, donc vous devriez peut-être en boire un petit peu moins. Si c'est complètement transparent, vous devriez boire moins d'eau un peu. Moins d'eau? Selon la Cleveland Clinic. C'est quand même une clinique très, très, très reconnue, la Cleveland Clinic. C'est pas des petits nobody. Moi, je pense que c'est mieux d'en boire plus que pas assez. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est vrai. Mais quand même, quand c'est trop transparent, un petit peu trop d'eau peut-être. Couleur, ensuite, bon, je vais pas essayer de traduire les couleurs. Là, c'est un genre de ils appellent ça pale straw color. Là, c'est comme un petit peu en dessous de la transparence. C'est que t'es normal, en santé, bien hydraté. C'est ce que tu veux. Tu vas avoir du jaune très, très, très pâle, presque transparent. OK? OK. On se comprend? Ensuite, un petit peu plus foncé, ils appellent ça transparent yellow. T'es normal encore. Pas de stress. Ensuite, dark yellow. Encore une fois, normal, mais bois de l'eau. Bois un petit peu plus d'eau. Pour vrai. Amber, un genre de orangé mielleux. Si ton corps n'a pas assez d'eau, là, évidemment, on va y aller graduellement, boire encore plus d'eau. Quand c'est sirupeux, un genre de brun un peu bièresque. Parce que t'as jamais bu de ta vie, genre? Tu as une maladie du foie, probablement. Ah, OK. Ou une déshydratation sévère. Donc, bois vraiment beaucoup d'eau et va voir ton docteur, c'est très important. Ensuite, si ton pipi, et là, ça va commencer à être des couleurs un petit peu plus, genre, qu'on n'a jamais vu, nous, parce qu'on n'a jamais eu ces problèmes-là, à moins que vous ayez ces problèmes-là. Rose, ou genre couleur rouge, radis un peu. OK, ça, t'es menstrué. Ça pourrait être ça. Sinon, c'est à manger des bêtes, des bleuets ou encore de la rhubarbe. Sinon, c'est du sang dans ton urine. Ça pourrait être rien, ça pourrait ne pas être grave, mais quand même, consulte. Ça pourrait être un signe d'une maladie du foie, d'une tumeur, d'une infection urinaire, problème de la prostate ou quelque chose d'autre. Donc vraiment, ça pourrait même mener à un empoisonnement par mercure. Il faut absolument contacter son docteur si c'est rose ou rouge. J'aime avoir une bonne source et savoir que ce que je dis n'est pas de la grosse bullshit. Orange, c'est que tu bois peut-être pas encore assez d'eau. T'as sinon peut-être une condition du foie. Donc, ça pourrait être quelque chose comme ça. Parlez à votre docteur. C'est orange, c'est pas bon. Vas-y. Est-ce que ça pourrait être trop de carottes? Je suis certaine que Bugs Bunny, c'est orange. Peut-être. What's up, Doc? Qui demande à son docteur. What's up, Doc? Ben, tu manges trop de carottes. Ben, c'est ça. Bleu ou vert? Ça, t'as bu du lave-glace. Ah, si seulement. Non, c'est un désordre. Si seulement. C'est un désordre génétique rare qui peut changer ton urine, qu'elle devienne bleue ou verte. Oui, il y a aussi des bactéries qui peuvent faire une infection du conduit urinaire. C'est possible que ce soit aussi... La prochaine chose que je vais dire, ça s'applique aussi à l'orange qu'on a dit juste avant. Mais ça pourrait être une question de colorant alimentaire dans la nourriture que tu manges. Mm-hmm. Ça pourrait être ça, donc vraiment... Y a le pipi de bébé aussi qui est bleu. Ah, sans blague. Publicité. C'est une blague. OK, dans la publicité de couche. Oui. T'as bien raison. Sinon, ça peut être la médication aussi. C'est sûr que tu mourras pas si c'est bleu ou vert, mais par ton docteur si ça persiste. On a mauve ensuite. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas de l'urine mauve. Pourquoi est-ce que c'est sur le graphique? Je ne sais pas. Et si c'est si ça fait du genre de... des grimaux. Ben, genre de la mousse. De la mousse? Tu sais, comme de la liqueur. Des fois, quand tu fais pipi, ça fait... Ah, ça, c'est parce que t'as bu trop de bière. Ben, c'est ça. C'est un effet hydraulique qu'on appelle, c'est occasionnel. Ça peut indiquer un excès de protéines dans ta diète ou un problème de foie, encore une fois. Donc, allez voir, ça arrive trop souvent. Il y a des influences externes à l'urine. Des choses que tu prends peuvent changer la couleur de ton urine. Par exemple, des médicaments laxatifs, médicaments pour la chimiothérapie et les colorants que les docteurs vont te donner pour diagnostiquer une infection du conduit urinaire. Ça pourrait rendre ton urine un petit peu plus foncée que d'habitude. Donc voilà, c'est selon la Cleveland Clinic. Et je crois que si ça glow in the dark, ça c'est parce que t'as bu trop de boissons énergisantes. Pour vrai, si c'est comme jaune fluo, là, ça peut faire ça à cause de la boisson énergisante. Intéressant. J'ai eu des commentaires coudonc. J'aime ça. Mais ben ouais. Si t'es propriétaire de ta maison ou que t'as même un appartement et qu'il faut que tu règles quelques problèmes ou que tu... je sais pas, t'as des affaires... t'as besoin d'outils, finalement. Et donc, on te conseille la liste ultime des 15 outils que t'as besoin dans ta maison. Ah, OK. Donc, prenez ça en note. T'as besoin d'une boîte à outils pour mettre tes outils. Okay. C'est vraiment précisé? Oui, une boîte okay, à cool, numéro merci. Un. Tu peux pas mettre ça dans cette épicerie. Non, c'est, moi, en fait, c'est dans un rack à pinte de lait d'un ancien dépanneur. Je pense qu'il y avait ça quelque part. J'ai ça chez nous. Ah oui, oui, oui. Tu sais, c'est cool. On a tout un rack. Moi, c'est mes mitaines qui sont là-dedans. Ah cool, tu vois. Je sais pas où on a pris ça. Mais bon. Donc, boîte à outils, tournevis. T'as besoin d'une tête plate et d'un tournevis étoile, majoritairement. Moi, je dirais qu'un carré aussi. C'est bien. Mais au pire, achète-toi un tournevis avec plusieurs embouts. Puis. C'est ce que j'ai. Tu sais, l'affaire va d'être ketchup. Ça va d'être ketchup. Marteau. Des pinces long nose, là. Oh oui. Okay. Vice grip. Ça, je connais pas trop. Vice grip, c'est une pince Monseigneur, je crois, en français. Pardon, qu'on est religieux. Hein. Un ruban à mesurer. Un truc pour couper des fils, un wire cutter ou un stripper. Ou une danseuse, une stripper. Tu vas chez Scrabble, tu commandes une stripper. Ensuite, un truc pour tester l'électricité, un testeur. Un couteau d'utilitaire, genre utilitaire, si on veut, un petit calif, si on veut. Ensuite, une scie, c'est toujours pertinent. Un niveau. Des lunettes, safety glasses pour se protéger. Des wrenches, des clés à molette. Ça, je connais pas ça, le X-Tool Set. Je connais vraiment pas ça, mais bon. Et une drill sans fil et des bits. OK. Des bits. T'as besoin de tout ça. Il y en a que je trouve que c'est un peu superflu, que moi ça aussi pourrait être autre chose. Les lunettes, admettons, ça peut être passable. Même le truc pour vérifier l'électricité, tu sais, j'ai pas ça. Moi, je comprendrais pas ce que ça veut dire si j'avais ça. Vu. Non, c'est ça. Ouais. Moi, l'outil qui me fascine depuis que je suis toute petite, c'est le petit outil que tu pars sur le mur pour savoir s'il y a des montagnes dans le mur avec un les petites lumières. Un stud finder, truc? Moi, je trouve ça vraiment cool. Je me suis amusée des heures et des heures avec ça quand j'étais petite. Facile de t'amuser, toi. Ben oui, j'étais petite. Voilà pour les instructions d'assemblage. Trucs et astuces, on fait ça chaque semaine à l'assemblage. Cool! Maintenant, on est dû pour une pause. Après ça, ben, c'est notre dernière demi-heure de la session et on a un petit quelque chose de prévu. Fait que restez là. Youhou! On ne met pas à bord trop haut. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, on se toujours à Assemblage requis en ce jeudi 19 décembre 2013. Pour ceux qui nous écoutent en direct, c'est Stéphanie Paradis. Toi, c'est Mathieu Plante. Oui, t'es un peu presque en remplacement de Jean-Philippe Charbonneau, on pourrait dire. Quasiment. Mais on ne dira pas, en fait. Non, on ne le dit pas. On va attendre encore quelques minutes avant de dire des choses inopportunes et infâmes. Oh mon Dieu! J'ai d'avoir une émotion. Oui, moi aussi, j'ai d'avoir quelque chose de la jalousie. On lui en parle juste après. On va se faufiler une chanson le temps qu'il s'installe. Voici Royal Canoe et Birthday. show. It's a never the bowl. What if you call it true? So you got a bold show, bold show. Bold show, bold show. When you go, when you're closing your eyes on your birthday, it only comes true when you don't say, don't say, don't say, don't say. Don't you know it's a never, never, never, never, never the bowl. What if you call it true? So you got a bold show, bold show. Bold show, bold show. When you go, when you're closing your eyes on your birthday, it only comes true when you don't say, don't say, don't say, don't say. La pièce Birthday de Royal Canoe. Steph, elle a des petites couronnes avec des crécelles dessus. Des, c'est pas une couronne, c'est des bois de reine. Ça sonne pas pantoute ton affaire, man. Pourtant, mon chat aimait ça ce matin. On dirait que t'as un piercing sur la langue puis tu fais. Ah! Donc, hey, c'est la voix de JP, ça? Ben oui, j'ai commencé à parler avant que tu me dises que je suis là. C'est ça? Ouh, petit rebelle. Ben oui. C'est le JP Char. Allô? Ça va? Oui, ça va. Toi? Oui, très bien. Vous? Vous? Oui, ça va bien. Stéphanie Baradi, toute l'équipe est là. Toute l'équipe est là, Colin. C'est le fun à voir. JP, qui était pas là hier, qui était pas là aujourd'hui, mais là, qui est là pour finir la session. C'est la dernière demi-heure, en fait, les dernières 20 minutes, 15 minutes. Oui. Et je pense qu'on est dû pour faire un petit chin-chin de Timbits, si je me permets, une deuxième Timbits, ça te va? Ben oui, oui ben très, oui. Très loin, très, très, très, très loin de la console et de mon ordinateur. Donc, on se fait un chin, attention. Chin! Santé! Nom, nom, nom. Oh, mais c'est bon, nom. Oui. Fourré à la fraise? Fourré à la fraise. C'est ça? T'as fourré à la fraise? Dans tes fesses. Me dis pas ça. Hein? Ça, c'est mon genre de gag que je retire après en disant qu'on aurait pas dû le faire. Non, excusez, j'aurais pas dû faire ça. Foufoune. Tout toi à radio. Et manger à radio, ça fait fin de session, ça. Oui. Mais très loin de la console. Et porter des chandails de laine aussi, ça fait très Noël à la radio. Moi, j'en ai pas. Malheureusement, j'ai pas eu le temps. T'es pas obligé de le dire, on le voit pas, on était à la radio. Wow, Mathieu, ton chandail est tellement beau! Mais je vais me faire imprimer des petites boucles de Noël, tu sais combien de temps? De Noël! Mais je m'y serais mis, c'est touchant. Ah! Travailler en chess la dernière journée, on peut. On va dire Casual Thursday, là, quand même. C'est même recommandé, ça a l'air. Ah oui? non, merci, je vais garder mon chandail, moi. Recommandé par 4 dentistes sur 5. Oui! Et même qui recommande de manger des tidbits en long. Exactement. Et tu sais, c'est ça, on disait que l'équipe était là au complet, mais ça veut dire quoi pour l'auditeur moyen qui écoute Assemblage Requis régulièrement et qui comprend pas du tout ce qu'on veut dire? J'ai envie de vous faire entendre quelque chose, les amis, ça vous va-tu? Oui. Pourquoi pas? On va essayer ça, genre ici, genre. Hein? J'ai une autre émotion. Cet hiver, les enjeux seront plus élevés que jamais. Les plus grands athlètes du monde, l'honneur du pays, le passage du flambeau. Oh, wow, on se calme avec le drame olympique. Olympique? Je pensais qu'on faisait un remake du film sur Terry Fox. Non, non, c'est juste le passage du flambeau de co-animateur. On va se partager l'animation d'Assemblage Requis, toi et moi, avec Mathieu. Une chance que tu me dis ça, là. J'étais à ça de me couper la jambe pour faire plus réaliste. Et cet hiver... Jean-Philippe Charbonneau et Stéphanie Paradis se partagent le studio avec Mathieu Plante. Écoutez-les à Assemblage Requis, du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. La main sur le cœur et on applaudit! Oui! Oh! Bravo! C'est incroyable. Hey, on a-tu du talent, hein? J'ai des frissons. On remercie à Danny Janvier pour la production de nos nouvelles pubs et on a d'autres qu'on va entendre plus tard, mais parlons de celle-là en premier. Colin, on va co-animer ensemble, mais jamais les trois ensemble. Non. Ben, peut-être de temps en temps. Peut-être qu'on va se tromper un matin. Tu sais, comme. Oh non. Non, j'étais pour dire les mardis quand le zone de campus sort, mais non, c'est vrai, la chronique, c'est le mercredi. Ben oui. Tu vas même manquer ma superbe chronique du zone campus. Tu vas être obligé de le lire maintenant. Mais c'est ça, donc JP et moi, on va co-animer les lundis et mardis ensemble. Oui. Toutes les semaines, de 7h30 à 9h30 en direct. Ensuite de ça, les mercredis, jeudi, ça va être avec Stéphanie Paradis. Ben oui. On va finir la semaine et on va se partager les chroniques parce que chacun va vouloir se battre pour avoir Sex Mais ça devrait répondre là, King Sexy Time, Instruction d'assemblage. Tout le monde veut ces chroniques-là dans son émission, j'imagine, entre vous deux. Oui. Dibs sur Ouais, j'ai oublié le nom. Moi, la première chronique que les deux sont capables de mentionner le titre complet vont pouvoir réserver la chronique pour leur journée. Attention! Moi, je dis sûr, ça existe, mais ça ne devrait pas être là. Kinky Sexy Time. Est-ce que c'est vraiment final, tout ça? OK? Ah, ben oui. Les instructions d'assemblage. OK, parfait. C'est un fait? T'as encore c'est un fait? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme chronique? Régulière, vraiment, à chaque semaine? Moi, je dirais... Les instructions d'assemblage requis! Non. Moi, je veux... Je l'ai dit. Les assemblages? Oui. Tu l'as dit, t'es... Quand, ça? Tout juste. Là? Là, là. Je suis comme une marionnette. Je parle sans bouger les lèvres. Il y a juste les cheveux qui bougent. Avoue que ça serait troublant. Je pourrais animer, puis... Tu sais, bouger les lèvres. Troublant, ça, c'est la suite de True Blood, là. C'est... Oui! Là où il se passe absolument rien. Non, c'est juste... Il y a juste quelqu'un qui est filmé constamment. C'est ça. C'est une télé-réalité quelconque, finalement. Mais moi, je vais reprendre, c'est un fait. Finalement, on va garder les mêmes cases horaires. Bon, lundi, finalement, c'est un fait. Au pire, je ferai des échanges. On se partagera ça. Change les jours. Non. Non? Est à moi, je te connais. Super possessif. Non, pas du tout. Mais t'es mieux de pas se déplacer. Non! Mais non, c'est ça. Moi, on s'est donné vraiment cette fin de session. On avait le temps. Dany est tellement doué dans la construction de publicité qu'on a fait plusieurs. Fait qu'on y va avec la deuxième, OK? OK! Oh, depuis le temps que j'en rêvais, j'y suis enfin parvenu. Que Dieu soit loué. Oui, nous voilà enfin réunis. Rien ne pourra nous séparer à présent. Mathieu! Mais que fais-tu avec elle? Si elle, mon JP, ce n'est pas ce que tu crois. Je vais tout expliquer. JP, que dirais-tu qu'on se partage? Ça me semble juste. Jean-Philippe Charbonneau et Stéphanie Paradis se partagent le studio avec Mathieu Plante. Écoutez-les à Assemblage Requis, du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Ah! Oh. Aïe, hein? C'est du grand art. J'ai un mi-figue, mi-raisin. Mais avoir autant de plaisir à écouter des pubs, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu. Je peux-tu les avoir pour le temps des fêtes? Hey. Pour pouvoir les écouter? Je vous garantis, ça va être sur le blog assemblagerequis.com en fin de journée. D'ici la fin de la journée, on s'arrange pour ça. J'espère. En tout cas, moi, hier, je faisais écouter les péripéties de JP à mon copain, puis je riais toute seule. Puis là, j'étais comme, oh, on va te faire écouter ma préférée, puis elle était pas sur le blog. Ah! Non, mais là, laisse-moi le temps, j'ai de la job à faire, man! Canélonie, moi, c'est le nouveau mot qu'on a sorti, ça. Hé, parlant de ça, je sais qu'on a plein d'affaires à faire, on a encore 15 minutes pour jaser, là. Mais t'as des anecdotes, tout ça, ça s'en vient. D'autres pubs aussi s'en viennent, mais moi, je voulais vous dire que cet hiver, pendant les fêtes, on va avoir des émissions spéciales. Ça va être super cool, OK? Sur l'émission Assemblage Requis, il va présenter son guide de l'utilisateur. Donc, il va y avoir trois émissions. Une sur Maxime Tanguay, une sur Ingrid Arneberg et ses chroniques de périnatalité, et une pour présenter Stéphanie en tant que nouvelle co-animatrice. T'as changé ton mot? Parce que je pense que tu disais... Non, on va introduire Stéphanie. Ben, c'est ça. En pour ceux qui la connaissent pas, on va l'introduire en nom. Mais dans cette émission-là, il va y avoir les péripéties de JP. Oh, yeah! OK. Les petits bonheurs de Steph et ses cheese quiz. Tout ça dans un condensé de 3 heures. Ça va être génial. Ça va être explosif. Donc, on a ça les 23, 24 et 26 décembre. Ça va jouer dans la semaine du jour de l'an aussi, dans la même case horaire du matin entre 6h30 et 9h30. Mais aussi, ça m'amène à parler des instants classiques de l'année au complet. OK. Oh. On présentait ça cet après-midi dans l'émission C'était fou en 2013. C'est la rétrospective de l'année au complet, côté musical assez fou. Et dedans, les palmarès assez fous, tu sais, on fait tout le temps les instants classiques. Bah. Oui. Mais là, ça va être pour l'année au complet. Wow! Je peux vous assurer que c'est vraiment toutes des classiques, là. Il n'y a rien qu'on pouvait enlever là-dedans. Non, c'est vraiment comme le summum, là. Tout ce qu'il y a là, on pouvait pas s'en passer, là. On a fait un tri assez serré. Tease-moi. Ah, tout est là. Qu'est-ce qu'il y a, les grosses affaires qu'il y a là-dedans? L'ongle noir. L'ongle noir, wow! Il y a la compilation de chansons de Noël avec Pipo après. Ah oui, petit pour Noël et tout ça. Tout est là, sérieux, c'est solide. C'est un bon 20 minutes de mon stock. Là. C'est à l'émission de cet après-midi, entre 15h et 18h le jeudi. Pour ceux qui écoutent une rediffusion quelconque de ce qu'on est en train de dire là, allez voir cif.ca, il va y avoir la programmation des fêtes là-dessus. Avant de continuer avec les autres pubs, les anecdotes de JP, juste parce que JP, tu t'en vas envoyer... Ouais. On va dire Voyager. Voyager. The Fur Trade. Oh, je pensais que t'allais dire Don't Get Gravy. Est-ce que tu veux Don't Get... Ah, c'est un autre des moments classiques qu'on va présenter cet après-midi. Est-ce qu'on y va avec Don't Get Gravy? Oui. Ben oui. Don't Get Gravy que JP a renommé... Parce que si tu t'ennuies la petite sauce brune, hein? Don't Get Gravy. Je la trouve pas. Classique. Je la trouve brune. Elle est bonne, ma joke. Elle est brune. Brune. Ah, bon. Oui, elle me laisse un petit relais dans le parallèle. Oui. Don't get heavy. Don't get heavy. Don't get heavy. baby. Puis moi, j'avais sorti de l'autre côté, deviens pas trop grosse. Hein? Oh, ben oui. Mais ça va ensemble, gravy puis engraissé, là. Viens don't pas get trop gravy. Grosse. Hein? Les deux en même temps, c'est encore meilleur, on dirait. Oui. Viens pas get trop gravy. Grosse. Toi, c'est juste. Ben non, moi j'ai fait. Ok. Comme le choriste. I'm the bulk vocal man. Yeah. JP, qu'est-ce qui t'est arrivé, là? Tu veux nous parler de quelque chose qui t'est arrivé, une anecdote quelconque? Mais c'est une belle anecdote, mais en fait, je suis pas sûr que ça valait tant la peine qu'on prenne un petit moment. On veut finir avec une histoire pas de punch. Ben oui. C'est, bon, c'est okay, la même c'est chose la à chaque fois. C'est parfait. C'est vrai, hein? plus ça va, plus ça recommence. Hier, j'ai quitté. Ben, j'ai quitté, je suis allé à Québec. T'es allé à Québec, oui. Pour aller chercher mes passeports. Dans le fond, mes passeports, c'est mon passeport plus celui de ma copine. Et puis, si tu veux aller chercher le passeport de quelqu'un d'autre, c'est important d'avoir une petite procuration. Ben oui. Fait que là, il te le marque, c'est sur ton reçu de passeport. Puis là, c'est marqué, oui, moi, mettons, Jean-Philippe Charbonneau autorise Mathieu Plante à venir chercher mon passeport. Ouais. Fait que là, Karina, elle s'est dépêchée pour l'écrire, puis elle a dit, elle a écrit moi. Elle a écrit comme elle brasse un chaudron de pâte. Exactement, où elle l'a tapé sur l'ordi comme ça, comme un gorille, se fait aller les mains et lance du caca partout. En fait, plus comme se faire aller les moignons. Les moignons. Oui. Vous n'avez pas de web. C'est un bon mime, c'est ce que je voulais dire. Oui, merci. C'est pour ça que j'ai la face blanche comme ça. Je suis un vrai mime. Mais c'est pour ça que t'es à la radio, t'as des mains comme. Tu sais, comme on dit des fois, t'as une face pour la radio. Là. À la place, t'as des mains pour la radio. Moi, j'ai les mains pour la radio, regardez. Oh. Ah, ça fait gricher là, j'aime pas ça. Il frotte son micro, c'est chic. On fait tout ensemble. Je frotte mon petit bout. On gratte ensemble. C'est la belle radio aussi. Oui, on dirait du vent. Et puis, donc, j'arrive. Je sors mes pièces d'identité. C'est quand même rapide. Pour de vrai, tu peux passer prioritaire si tu vas chercher ton passeport. C'est juste aller le chercher, ça prend comme une minute. C'est génial. Donc là, j'arrive au comptoir, puis elle dit ouh, poup, poup, poup, poup. Ah, tu dis ça pour vrai? Pareil. Pareil. Elle n'avait pas de dentier. C'est hein? Que Karina, elle a marqué moi, Karina Tardy. Elle a marqué moi, genre. Je non, mais moi. Elle a écrit son nom au lieu d'écrire le mien. Oh. Elle autorisait elle-même à aller chercher son passeport. Ben non. Fait que ça a été long. tu l'as quand même reçu? Oui, mais il a fallu qu'elle envoie un fax. C'est ça, un fax. Donc là, le temps qu'elle reçoive le fax, que la madame prenne le temps d'aller chercher le fax, elle a dit écoute, je te dis ça de même, mais t'aurais peut-être le temps d'aller chercher un petit café. Ouais. J'étais comme, eh ben. C'est comme finalement, ça a été long. Ça a été long, ça a pris une heure et demie. Mais tu l'as eu. Au lieu de une minute et demie. Exactement. Puis voilà. Fait que je suis revenu tard parce que je me suis pogné dans le trafic après. Les mauvais. Ça me rappelle la belle époque, tu sais, dans les beaux réseaux sociaux dans les années 80. Tu sais, j'étais sur Internet, même si c'est les années 70, je pense, sur Internet. T'allais tout le temps sur Facebook, là, tu sais. Ouais. Là, tu t'envoies des fax à des pokés par message privé. Sur le wall. Mais là, c'était pas chut, c'était plus le fax qui sortait, ça. Wow. Puis après ça, ben, j'ai repris l'auto. Hein, tu sais, de Québec. C'est pas fini cette histoire-là. Ah, moi, j'étais parti sur autre chose. Ben, j'ai un mot aussi, là. Je suis parti sur une autre anecdote, pas de punch. Okay. Là, j'ai manqué de la glace. Fait que, ça, c'est frustrant sur l'autoroute. Sur l'autoroute, parce qu'hier, il y avait une petite neige, un peu comme aujourd'hui. Fait que ça, je recevais plein de déchets. Non, en face, t'as pas le windshield, toi. Non. Les yeux fermés. Ils m'ont dit, tu veux-tu ça, windshield? Puis là, je fais ton bord. C'est une option, ça. François en janvier. L'année prochaine. Ouais. Mais ça, pendant les fêtes, là, on peut-tu remplacer le liquide à la glace par du punch à la place? Ben oui. Du lait de poule. C'est ça, t'enlèves ton windshield, tu mets du eggnog dans ton truc à lave-glace, puis tu te pitches ça dans la bouche avec le petit jet. Ouais, ça serait très cool. Ouais, puis c'est cool, tu sais, l'hiver, il n'y a pas de mouche, fait que c'est ça, hein. Pas de punch à la blague non plus, hein. Ben non, écoute, c'est parfait. Mm. Ça va finir en beauté, les choses. Oui. Donc, j'avais l'air vraiment bizarre dans mon auto à essayer de trouver un petit spot où je pouvais voir la route. Puis là, je me suis arrêté. Avez-vous déjà pris la 40? L'autoroute 40, probablement. Ben oui, celle qui passe comme dans Trois-Rivières. Oui. Mais mettons vers Québec. Oui. Tu sais, oui, quand oui. Tu sors de Québec, puis t'es sur l'autoroute 40, vers direction Montréal. Oui. Pas grand-chose, hein? Non, c'est vrai. Moi, je sortais tout le temps à... C'est pas Sainte-Geneviève de quelque chose. Batiscan. Moi, je sors à Donnacona. C'est encore loin, ça. Ben, c'est la première que j'ai vu qu'il y avait une station-service. Ah, mais je sais qu'il y a une station-service. J'ai vraiment fait le saut. Je suis arrêtée. Puis là. Il y avait quelqu'un dans ma fenêtre. Je fais « Ah! » J'avais foncé dans quelqu'un. Il était pris là. « Voyons, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? »« Ah, ton windshield, il goûte le lait de poule. » Ben non, mais c'était comme service à l'auto là pour remplir l'essence là. Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu fais là? Hey, à côté du garage, y a-tu un Dunkin' Donuts? Oh mon Dieu! Fait que ben c'est ça. Je me suis acheté deux beaux bidons de lave-glace. Puis je me suis rendu compte que j'en avais un qui traînait dans ma valise. Ça a été tellement prévoyant. Merci. Bravo, JP. Merci. Fait que j'ai risqué ma vie pour rien. J'ai essayé de cracher aussi. Dehors, c'était en face. Ouais, tout le temps. Ah, tout le temps. Fait que là, j'avais juste un œil. Hey, parlant d'histoires qui mènent nulle part, là, on a aussi enregistré deux autres pubs pour le temps des fêtes en général. Puis ça, vous allez les entendre pas mal souvent pendant les fêtes, mais je voulais vous les faire entendre en primeur avant okay. ça. OK, oui. Voici Assemblage Rocky. Hey, salut, c'est Mathieu Plante, Jean-Philippe Charbonneau. Et Stéphanie Paradis. Puis on anime Assemblage Rocky. Depuis quand j'anime Assemblage Rocky, moi? Je comprends absolument rien à ce que vous dites. Pendant les fêtes, on n'est pas là, genre présent, mais on est là pareil à radio tous les matins, presque. Sauf quand on dort. On n'avait pas congé pendant les fêtes, nous autres. D'ailleurs, vous êtes qui, vous? Mathieu Plante. Et Stéphanie Paradis. Fait que, on va être là, en direct, en personne, toi et moi, puis l'autre, à partir de 6h30, le lundi 6 janvier. On dirait que à partir de 7h30. Joyeuse fête! C'est trop catane, ça. Oh. C'est savoureux. C'est délicieux. C'est comme une Timbit, ça, cette pub-là. Ah, c'est vraiment drôle. Mm. C'est tellement rien de ce qu'on a dit dans l'ordre. On n'a jamais eu cette discussion-là. Oh non, mais c'est encore mieux. Pendant à peu près 5 minutes, on improvisait. Oui. Vous êtes qui, vous? Je suis vraiment le rabat-joie de la gang. Moi, le temps des fêtes, ça me fait chier. On dirait vraiment que je suis un vieux mononcle. Mathieu, ça le fait pleurer, lui. Il a pleuré tout le long qu'il a fait la pub. J'ai tellement eu de fun à taper ça avec vous autres. On va se refaire ça des pubs improvisées. Je suis bon. T'sais, j'suis bon. Je me pense bien bon quand j'écris mes pubs normales de sketch, ça. Mais quand on improvise, là, c'est encore meilleur. C'est un talent caché. En fait, je pense qu'on avait, si on n'avait pas eu le travail de Danny Janvier derrière ça, ça aurait été vraiment n'importe quoi. Oui, vraiment. C'est vraiment grâce à lui. Et c'est grâce à lui qu'on a une deuxième aussi, mais pour les palmarès, c'est fou. Salut, Stéphanie Paradis. Salut, Mathieu Plante. Tu sais, Steph, pendant les fêtes, là, palmarès, c'est fou. No way, hein. Mathieu, explique-moi, s'il te plaît. Comment vais-je écouter de la bonne musique si les palmarès ne sont pas en ondes? Hey, c'est une bonne question, bien énoncée, ça, quand même. Je te dirais d'écouter plein d'autres affaires comme CDF en 2013, un genre de compilation rétrospective de l'année. Là. Mais ça, va voir CIF.ca, man. Tous les jeunes sont là-dessus. Comme les grands-parents de tout le monde sont rendus là-dessus, CIF.ca Blue. Puis tu check, tu regardes, tu vérifies la programmation. Hey, moi, j'ai été inséré dans une pub que je comprends rien. C'est quoi? Tu comprends pas? CIF.ca. Ploup, ploup. T'en sais, ploup. D'ailleurs, vous êtes qui, vous? Joyeuse fête! C'est trop catane, ça. Oh. Hey, nouveau running gag, hein? Wow! J'ai mal au ventre! Quand on fait des pubs ensemble, il y a tout le temps une phrase qui va rester pendant l'année à venir. Vous êtes qui, vous? Oui, oui. Oui, oui. Pour ceux qui viennent se joindre à nous, ici, les phrases clés de l'année sont « Oui, oui, et vous êtes qui, vous? » Prenez des notes, il y aura un concours avec ça plus tard. Oui. L'année prochaine! L'année prochaine. Ouais, c'est ça. Il va s'en passer bien des choses l'année prochaine, parce qu'à on remet tout plus tard. Ouais. Hein? C'est savoureux. Ouais. Mmh. Ouais. Quatre pubs. Bravo, Danny, d'avoir toffé tout ça, parce qu'on a donné beaucoup de jobs à Danny. Quand même. Je sais pas, je sais, il y a d'autres affaires que j'ai fait faire, mais que ça c'est pas pour les pubs. Fait que ça finit plus. Ah. Merci, Danny. Oui. Écoutez-le au dîner de con à 11h. C'est sa dernière, lui aussi, puis il va boire. Il va boire. Ouais. D'après moi, il va faire la broue, lui aussi. Ouais. Il fait ça toute l'année, en plus. Fait que les fêtes, il va juste en boire plus encore. Ben, c'est cool. Pas toi? Hein? C'est les rouges qui vont l'amener du bureau ici. À 3 mètres de là. Oui. Ouais. Ça serait très drôle. Dans un petit chariot. Ouais. Je sais pas si ça se fait. Ben, il y a juste une façon de le savoir. Ben ouais. Puisqu'on l'a avec nous en studio, Nez Rouge. What up, Nez Rouge? On a du fun ensemble pour cette dernière demi-heure. Merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. C'était cool. C'était cool la session complète. Ça va être cool en janvier quand on va animer lundi et mardi avec Jean-Philippe Charbonneau et mercredi jeudi avec Stéphanie Paradis. Mais toujours avec Mathieu Plante. Yay, la seule constance. Merci. Bravo. Passez un joyeux temps des fêtes. Merci d'avoir été là tout au long de la session. Il y en a tellement de gens qui ont participé. On n'essaiera même pas de mentionner les noms de chaque personne parce que ça ne finira jamais. Si le chapeau vous fait, hein, mettez-le. Mettez-le. Il est beau, un beau petit chapeau de Noël. Là, ou une tuque. Mm-hmm. Si la tuque vous fait. La calotte. Oui. Les reines, les bois de reine. La passe. On se la passe, oui. Oui. Mm-hmm. Le foulard. Le bandana. Les cache-oreilles. Oui. Le bandeau. Ouh. Puis Mathieu, toi? Je sais plus, là. Je sais plus, le sac banane. C'est C'est pas un chapeau, ça. Ben, ça se met sur la tête, un sac banane, est-ce que je cherche? Un casque de moto. Oui, c'est un bien. Un casque de bain, un casque de bain! Okay. Pourquoi tu t'essaies de t'envoler? À nage, je pense. Ah oui. D'où le mime? Je fais du crawl. Non, c'est pas de même, ça, c'est le tourbillon. Papillon. Du crawl, ça, c'est un autre gag de cette année, hein. Last crawl. Last crawl. Ouais, personne n'avait compris, celle-là, quand on... Ben non, mais je la comprends toujours pas. Non, c'est ça. Last crawl. Ouais. Hey, écoutez, on va se terminer ça bientôt, cette émission-là. Allez voir CF.ca pour la programmation complète. On vous rappelle les émissions spéciales, c'est 23, 24 et 26. On saute par-dessus le 25. Hein. Trois émissions spéciales de décembre sur Maxime Tanguay avec J'ai tout le temps pour une chronique. Il y a Ingrid Hardeberg avec La course au trésor. Et il y a Introduction à Stéphanie Paradis avec toutes tes chroniques qui ont fait ta renommée mondiale. Ben oui. Donc ça va jouer pendant les fêtes et ça rejoue sur les 30, 31 et 2. Mais dans un autre ordre. OK. Parfait. Donc, ça va être le 2, 31, puis le... Non, les dates restent dans le même ordre. Les émissions sont dans le même ordre. Ah, OK! Je pensais que 2014 était une année différente. Après c'est pas ça qu'on appelle une année bisextile. Bisexuelle, quand c'est pas trop... Ouais. Ou sans lien, c'est ça? Ouais. Hey, la scroll, là, c'est pas quand il faut que tu sortes de la piscine, là, parce que ça ferme. Oui, c'est ça. La scroll. Dernière tournée de piscine, genre. Ouais. Oh. Dernière chance pour prendre un petit bouillon. Hey. Ceux qui ont envie de pisser, c'est tout de suite, là, on sort. Après ça, on sort. Ben, c'est le meilleur moment, hein, parce qu'après ça, t'as plus à te baigner dedans. Hey, moi, t'as pas parlé de la couleur du pipi quand c'est mélangé avec du chlore tantôt? J'ai pas dit ça. Ouais, t'as pas parlé de la fameuse. Hein? Quand tu fais pipi, ça change de couleur. Oui, là, dans oui. L'eau. T'en as parlé? Non. Bon. Ah ouais, c'est vrai, dans les piscines, à cette heure, ça a l'air qu'ils mettent du stuff, là, puis quand tu fais pipi... Ça s'appelle du pipi stuff? Pipi stuff. Pipi stuff. Ça devient quelle couleur? J'ai jamais fait de pipi dans une piscine. Moi non plus. Ah, il y a beaucoup de pipi. Ah, JP, tu finis sur une zone de merde. Come on. Come on. On peut pas finir là-dessus. OK, on peut recommencer d'autres choses. Donc, on a fait toutes les plaques d'assemblage requis. Nous reste seulement les plaques pour les palmarès C'est fou. Il y a l'édition C'était fou en 2013 qui joue aujourd'hui, donc le jeudi 19 décembre. C'est entre 15h et 18h avec Stéphanie Paradis. OK, yes. Il va y avoir avec les Mathieu Plante aussi. Merci. Les essais classiques d'assemblage requis pour 2013 au grand complet vont être là-dedans. Et quelques autres petites affaires. Donc, soyez-y. Ça va jouer pendant toutes les fêtes à des heures et des dates à déterminer plus tard. Faut qu'on se quitte. Merci, Steph. Hey, merci, Mathieu. Plaisir. Merci, Jean-Philippe. Oui, de passage. On se voit le 6. 6 janvier, 6h30, mais en direct à 7h30. Oui. Ça va être juste toi puis moi, puis après ça, mercredi, jeudi, etc. Ouais. OK? Puis on remercie Justine Renaud aussi, qui était là aujourd'hui. Puis David Ferron. David Ferron, qui était pas là à distance. Mais ouais. C'est forcé quand même. On apprécie son travail, on apprécie le travail de tout le monde, toute l'équipe de C'est fou, toute la distribution, le cast and crew. Dans le pit crew, pit merci stop. Aux stagiaires, recherchistes, oui, inexistants, l'équipe fictive d'assemblage requis, les chroniqueurs, vous d'avoir écouté, puis... À l'année prochaine! Bye là! Petit papa Noël! Petit pipeau Noël, par contre. Ouais. Bon, ben là, c'est l'heure de boire. Stop ça! Gluc, gluc, gluc, gluc, gluc. Ah, je vais juste me faire un shampoing. Avec de la vodka? Shampoing! Oh, c'est le début de la chronique, instruction d'assemblage. Ah, ouais. T'avais le shake, là. Bon, ben, j'écouterai meilleur moment. Ben, c'est ça. Tu seras pas là-dedans. Non, partout. C'était pas drôle. Ah! C'est juste un film. Bon. Ouais. On pourrait parler longtemps pendant que la musique joue parce que c'est ma version sans fin. Elle s'appelle Thème instrumental sans fin. Ça dure genre 12 minutes. Il y a une fin. 12 minutes, il n'y a rien là. Je connais un Iron Cat qui dure 10 heures. Ah, c'est vrai, hein, sur YouTube. Check Mathieu, comment il est cute. Il se dandine. Et j'essaie de garder ma bouche centrée sur le micro tout en me dandinant les épaules. C'est bien le fun. Pas juste les épaules qui bougent. Hein? Non, le bassin. Tout le tronc. Tout le tronc. C'est-à-dire. Comme si t'avais pas de bras pas de jambes, là, t'as le tronc qui se promène. On a-tu fait des blagues de tronc cette année à l'émission, hein? C'est fou, raide. Ouais. On a même fait une joke de moignon tantôt. C'est le JP qui a tapé sur le clavier. Si tu tapes encore sur le clavier, on va encore l'entendre. Comme toute l'année, on a tout entendu quand tu tapais sur le clavier. Non, c'est pas vrai que tout le monde l'entend. Oh, oh, oh! Je reconnais les lettres que tu as touchées, là. C'est www.porn... Splashface.com Grospipo.com Oh! Mm. OK, bye! Hey, on a-tu dit bye? 15 fois plutôt que là. Ah, OK. Salut! Au revoir! Hey, bonne année! Puis à la toi. Prochaine! Ouais, amusez-vous! Mangez pas trop de spout! Ouais. Manquez pas de dîner de con à 11h! Bye!